Dynamo. Évariste Ndikomanyanga. Bienvenue à toutes et à tous sur cette édition en langue française de la mi-journée. Donc voici d'abord les principaux titres. La direction du parti prenant soutient l'idée de réunification de toutes les tendances de ce parti. Abel Gachassi le dit après que des membres qui se réclament de l'IPRONA de l'opposition aient adressé à qui de droit une correspondance demandant des pourparlers. Dans ce journal, nous allons vous parler de la participation de la femme dans les instances de prise de décision. Avec Denise Ngurunziza Buchumi, ex-premier dame et président de la Conférence internationale des femmes leaders. Les criquets puants continuent à ravager les champs de culture en province Kirundo et les habitants de cette province du nord du pays craignent une disette dans les jours à venir. Et la chronique justice de ce jeudi sera consacrée à la grâce présidentielle. Albert Ndouayo assure les mises en onde. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page politique. La direction du parti Prona soutient l'idée de réunification de toutes les tendances de ce parti. Après la correspondance des membres qui se réclament de l'IPRONA de l'opposition, demandant des pourparlers de rassemblement de député Abel Gachassi, président de ce parti, dit que les inquiétudes ne manquaient pas, expliquant que parmi ces politiques figurent ceux qui détenaient des cartes d'adhésion dans d'autres formations politiques. Selon lui, la solution émanera des séances de dialogue afin d'unifier les Badassigana du parti de Gwagasore. Suivez le député Abel Gachassi dans cet entretien avec Eline Benibikir. Nous avons reçu une correspondance de la part d'un groupe des anciens de l'IPRONA, demandant le rassemblement des Badassigana. Et au sein du parti IPRONA, surtout à la direction du parti IPRONA, on est pour le rassemblement des Badassigana, car c'est le salut du parti IPRONA. D'ailleurs, à la veille des élections de 2020, on a initié des pourparlers entre son même groupe à 4 reprises. Et c'était dans l'optique de rassembler les Badassigana pour aller aux élections étant en partie renforcée. Alors, aujourd'hui, la direction du parti IPRONA prête pour recevoir tout le monde qui désire venir construire le parti IPRONA avec les organes dirigeants du parti IPRONA. Mais quand même, il y a des inquiétudes. Des inquiétudes ne peuvent pas manquer, car on a toujours vu qu'au début de la législature, l'idée de rassemblement des Badassigana est toujours là. Mais à la veille des élections, on voit que ces mêmes gens quittent l'IPRONA pour aller se faire élire dans d'autres formations politiques. C'est cela qui a été le cas pour ces gens-là. Personne n'ignore qu'en 2020, ces gens-là ont pris l'adhésion dans d'autres formations politiques. Ils ont pris des cartes de membres. Qu'aujourd'hui, ces gens-là renoncent leur adhésion et prennent la décision de retourner à l'IPRONA. C'est une bonne chose, mais doivent savoir que l'IPRONA, c'est un parti organisé, c'est un parti réglementé. L'article 13 des statuts du parti IPRONA dispose que celui qui a pris la carte d'une autre formation politique est automatiquement rayé de la liste des membres du parti IPRONA. C'est-à-dire que vous allez exiger qu'ils adhèrent de nouveau. En principe, ces gens-là devraient renouveler leur adhésion au sein du parti IPRONA. Mais on ne peut pas aller jusque-là. On est prêt pour le dialogue. Nous allons dialoguer avec ces gens-là. Nous allons échanger pour que quand même l'idée de rassembler le Badassigana soit quand même une idée meilleure. Afin que l'IPRONA de Gwagasore soit un IPRONA renforcé, un IPRONA réunifié. C'était là le président du parti IPRONA. Page santé à présent, 15% du nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans au niveau mondial sont causés par la pneumonie, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Bien qu'il n'ait pas des statistiques des cas au Burundi, cette maladie existe au moment où, le 12 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée de la pneumonie. Docteur François Ndikumwenayo, spécialiste dans la pneumologie, explique que cette maladie est curative une fois traitée à temps. On l'écoute. Chez nous, au Burundi, effectivement, cette maladie existe. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé d'instaurer un vaccin contre une maladie qui existe. La maladie existe aussi bien chez les jeunes que chez les adultes, particulièrement chez les jeunes, beaucoup plus, les enfants beaucoup plus jeunes. Et il existe aussi bien en relief qu'en plaine. Et il ne faut pas qu'il y ait une confusion comme quoi, quand on développe une pneumonie parce qu'on vit en altitude où il fait froid, que beaucoup moins parce qu'on vit en plaine. On voit aussi bien les cas dans les milieux chauds, tempérés, humides, et dans les milieux en altitude qui sont moins chauds. Si la pneumonie n'est pas soignée, c'est une maladie qui peut rapidement tuer. Parce que le patient va perdre sa fonction respiratoire suite à la détérioration du parenchyme pulmonaire. Donc, il va perdre sa capacité respiratoire. En perdant la capacité respiratoire, vous ne recevez plus d'oxygène. Et si vous ne recevez plus d'oxygène, l'oxygène n'est pas perfusé. L'oxygène n'entre que par le poumon, contrairement à d'autres apports nutritionnels et aux éléments qui nous visent à vivre. La pneumonie est une maladie, je dirais, facile à soigner face aux yeux du pneumologue. Il faut que le diagnostic soit fait rapidement. Pour que le diagnostic soit posé rapidement, il faut que le patient consulte rapidement. Avant de tergiverser, dire bon, écoutez, j'ai pris quelque chose, je ne sais pas ce que je développe, c'est quelqu'un qui m'a empoisonné, alors il faut aller là-bas, demander un remède. Il faut aller directement, si vous avez un signe pulmonaire, il faut aller consulter le médecin. Et il revient au médecin de savoir quel type de maladie dont vous souffrez. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Rendons-nous en Ngozi pour parler société. Le centre de collecte de lait de Gachikano en province Ngozi éprouve pour le moment des difficultés de conservation de ce produit, principalement à cause des coupures répétitives du courant électrique en cette période pluvieuse. Comme solution provisoire, les responsables de ce centre acheminent en cas de coupure ce produit dans les communes Ngumba et Ngozi pour sa conservation afin d'éviter d'énormes pertes. Ils demandent à cet effet au programme de développement des filières ProDéfi le remplacement du groupe électrogène offert, un groupe en panne depuis un bon bout de temps et dont sa réparation est, selon eux, impossible. L'État avec Apollinaire Muzakar. Comme l'indique Jean Ouriquier, chargé de la manutention à ce centre, des coupures d'électricité de la régie des eaux sont monnaie courante, surtout durant la période de pluie, comme celle ce qui cause, selon lui, du fil à retour à conserver les quantités de lait y acheminées, principalement par les éleveurs ayant reçu des vaches de la part du ProDéf. Ce centre réceptionne 400 litres de lait par jour pendant l'été. La quantité journalière double pendant la saison pluvieuse. Quand les herbes sont abondantes, précise-t-il, les pertes sont énormes quand de telles quantités de lait ne sont pas bien conservé suite au manque d'électricité, déplore ce responsable. En cas de coupure prolongée, les quantités de lait sont acheminées dans d'autres centres de collecte sites en commune Mumba et Ngozi pour la conservation, cela en vue de diminuer les pertes. Aussi, en cas de production abondante, le reste des quantités non acheminées à Bujumbura par la société MDB est destiné à la fabrication des fromages ou à sa transformation en yaourt, précise son manutentionnaire. En vue d'éviter ce problème de coupure de courant, les responsables de ce centre demandent le remplacement du don du groupe électrogène qui est en panne depuis 2 ans et qui, selon eux, sa réparation a échoué. Le chargé de l'élevage au ProDéfi dans les provinces du Nord tranquillise que l'argent destiné à la réparation de ce groupe électrogène est disponible. Évariste Tahama indique que les maintenanciers sont à la phase du devis. Dongozi, Apollinaire Muzakara, Radio Sangani. Merci à Apollinaire Muzakara. 20 poubelles publiques ont été installées ce jeudi dans différents endroits de la commune urbaine de Mukasa. L'administrateur de la commune Mukasa indique que ces poubelles ont été fabriquées grâce à la contribution de la population d'un montant de 12 millions de francs burundais. Renova Sindai Hebura exhorte les citadins de mieux utiliser ces poubelles publiques car des sanctions sont prévues à ceux qui ne respecteront pas l'usage de ces poubelles publiques. Suivez-le. On a déjà confectionné 20 poubelles publiques qui ont une valeur de 12 millions de francs. Cet argent a été collecté par l'administration au niveau des bienfaiteurs, surtout les commerçants qui œuvrent dans notre commune. Nous allons continuer quitte à ce que toutes les routes qui passent dans notre commune puissent avoir ces poubelles. On va les installer. On a commencé par le parking de l'Olex et Martien Central de Bujumbura. On va mettre une autre poubelle à la place de l'Indépendance, puis à la place de la Révolution, sur le chaussée du peuple Murundi, près de la cathédrale, au monument du soldat inconnu, à la jonction de la route Rumonge et le boulevard du Japon, près du musée vivant, près du port de Bujumbura, près de la brasserie, tout près de la zone Bouyenzi, sur la jonction de la mairie et Pesser, à l'avenue de l'université, à la jonction avec la route pavée qui y est traversée souvent par les bus, au niveau de l'avenue de l'université côté Nyakabiga, à l'entrée de l'université du Burundi, campus Mutanga, au niveau de l'annonciature apostolique de Bujumbura et à la jonction des routes communément appelées Belvedere et l'ex 28 novembre. Nous exhortons la population de bien utiliser ces poubelles. Ce ne sont pas des poubelles qui sont mises ici pour que tous les déchets ménagers puissent être transportés pour y être jetés. Ce sont des poubelles qui sont confectionnées pour aider les passants qui, à leur passage, qu'ils manquent où jeter les restes. En premier lieu, commencer la sensibilisation. Mais si les gens ne comprennent pas, on va procéder à des sanctions pour des personnes qui ne vont pas comprendre le bon usage de ces poubelles. Les propos de l'administrateur urbain de Mukasa ont été recueillis par mon confrère Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Une courte pause. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le dis en titre, la participation de la femme dans des organes de prise de décision, la maîtrise de sa place dans la famille, le voisinage et le pays sont des éléments clés dans le renforcement de la paix et de la sécurité. Denise Uchumi Nkurunziza, ex-première dame et présidente de la Conférence internationale des femmes leaders, CIFL en sigle français, appelle la femme au respect du créateur et de la famille. Il était avec Emery Kanyang. Une femme qui est dans les organes de prise de décision porte loin sa voix. Sa pierre contributrice est indispensable dans la sauvegarde de la paix, affirme Denise Uchumi Nkurunziza, ancienne première dame et présidente de la Conférence internationale des femmes leaders, CIFL. Franchement, avec l'appui du gouvernement, les femmes, nous saurons sauvegarder la paix et comment. Ça passe par une place de choix. Pour porter loin notre voix, nous avons des femmes députées, des ministres qui savent appeler à la paix et à la sécurité. Ce n'est pas seulement ça. Si on pouvait occuper un poste au plus haut sommet, notamment le premier ministre ou le vice-président, dans ces organes, la femme peut mieux s'exprimer. Donc, cet appui nous pousserait à renforcer la paix dans le pays. La paix dans le pays passe par la paix dans la famille restreinte, ajoute-t-elle. La paix commence dans la famille restreinte pour s'étendre à travers tout le pays. Dans la famille, la femme doit maîtriser sa place comme épouse et mère des enfants. Que celle-ci ne se considère point comme le chef de famille, même à son niveau, il faut être forte. Selon toujours la présidente de la CIFL, cette paix peut être perturbée par des maux tels le gaspillage de la richesse familiale et un travail mal fait. L'ancienne première dame Denise Uchumi Nkurunziza le dit dans le cheminement du 20e anniversaire de la résolution onusienne 1325 du 31 octobre 2000. Merci à Mary Kanyang pour tous ces détails. Page éducation présente les parents des élèves qui étudient à l'école fondamentale de Kivurugan, commune Gatara de la province Kayanza, se disent inquiets de l'insuffisance des latrines qui s'observent à cette école ou même celles en usage sont déjà dans un mauvais état. Ils craignent le risque d'attraper des maladies de main sale chez leurs enfants si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Isidore Girukushaka, directeur communal de l'enseignement en commune Gatara, demande à la direction de cette école d'organiser une réunion très prochainement avec les parents des élèves pour voir ensemble comment trouver les moyens nécessaires en vue de la construction d'autres latrines. Des détails avec Patrick Saint-Guillaume. Comme l'indique Agricole Ndira Meba, directeur de l'Ecofo Kivuruga, oui, la trine seulement dont beaucoup déjà en mauvais état sont utilisables par plus de 700 élèves étudiants à cette école. Selon cette autorité, le mauvais état dans lequel se trouvait ces latrines est dit principalement au glissement de terrain causé par les fortes précipitations de ces derniers jours, étant donné que ces latrines sont d'ailleurs construites sur une pente. Agricole Ndira Meba ajoute également que beaucoup même de ces latrines seront bientôt hors usage car, explique-t-il, date de plus de 10 ans. Son responsable demande aux autorités en charge de l'éducation en commune Gatara et à l'administration d'intervenir afin que de nouvelles latrines soient construites pour le bien de la santé des élèves qui étudient à l'Ecofo Kivuruga. Même son de cloche chez les parents de ces élèves qui se disent inquiets des accidents qui peuvent survenir ainsi que le risque d'attraper les maladies des mains sales chez leurs enfants si rien n'est fait. Isdor Giukushaka, directeur de l'enseignement en commune Gatara, demande à la direction de cette école, en collaboration avec le comité de gestion de l'école, d'organiser une réunion à l'intention des parents des élèves pour chercher comment trouver une issue favorable à cette question. Sylvain Negakuyano, administrateur de la commune Gatara, demande que dans l'attente de ce qui pourrait être fait face à cette situation, de réhabiliter et vider ces latrines en usage, les activités qui selon elles se feront les week-ends pour ne pas perturber les activités scolaires à cette école. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva va pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengi. On va donc rendre-nous à Kirundo où les criquets puants qui ravagent les champs de culture sur certaines collines de la commune Kirundo se parlent également dans d'autres communes de cette province. L'inspecteur provincial phytosanitaire signale déjà deux autres communes, à savoir Gambarangwe et Vumbi, où ces criquets sont en train de causer des dégâts. Il demande à cet effet à la population concernée de ramasser ces criquets et les brûler. Sur les collines de Kirundo, on estime déjà environ 200 kilos de criquets déjà ramassés et mis au feu. Des détails avec Abraham Safari. Comme le signalent certains administratifs des collines des communes de Vumbi et Bgambarangwe, et confirmé par l'inspecteur provincial phytosanitaire à Kirundo, Manirakiza Ignace, les criquets qui sont en train de ravager les champs de culture des collines de la commune de Kirundo, entre autres Yaranda, Kianza et Makombe, se parlent également dans ces deux communes. Cependant, sur ces collines qui sont en train de subir cet aléa, la population en collaboration avec les administratifs et les agents du bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage ont répondu à la sensibilisation de masse pour ramasser ces criquets et les brûler, a signalé l'inspecteur provincial phytosanitaire. Dans deux semaines écoulées, plus de 200 kg de criquets puants ont été ramassés et mis au feu. Il demande à cet effet la même stratégie sur les collines nouvellement envahies. Quant à la population, elle demande qu'il y ait l'utilisation de techniques chimiques afin de tuer en masse ces criquets car, dit-elle, ils sont puants et d'ailleurs, pour les ramasser, ils se munissent des sachets sur les mains. Ces criquets, selon les mêmes sources, ne peuvent être consommés ni par la population, ni par des animaux comme les poules et les poissons à cause de leur puanteur. Quant à l'utilisation des techniques chimiques, l'inspecteur phytosanitaire a fait savoir que l'impact sur la santé humaine serait énorme, raison pour laquelle ils font recours à l'utilisation technique mécanique. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique justice. La grâce présidentielle est prévue par le code pénal et une mesure prévue pour les condamner pour certaines infractions. Maître Fabien Segatkoa indique que les crimes internationaux dont le génocide ne sont pas concernés par les mesures de grâce. La mesure vise une condamnation définitive, donc qui n'est plus susceptible de recours. Chronique judiciaire rediffusée ce jeudi avec Alain Désiré Boukenèze. Dans le but de permettre aux condamnés de participer dans le développement de leur pays ou éventuellement dans le souci de désengorger les prisons et que cela est prévu par le code pénal, le président de la République peut prendre une mesure de grâce pour une catégorie déterminée des condamnés. Les explications sont de maître Fabien Segatois. La grâce, comme justement le nom le dit, c'est une pitié qu'on donne aux gens qui ont été condamnés définitivement en considération évidemment de plusieurs paramètres. On peut politiquement dire voilà, donner la grâce pour essayer d'aérer les prisons, surtout dans notre cas ici, dans notre notre pays où il y a beaucoup de prisonniers. La grâce présidentielle ne vise qu'une condamnation définitive dont les recours ont déjà été épuisés. Que la grâce en fait est accordée aux gens qui ont été condamnés définitivement. Et puis la grâce reste subsister les effets de la condamnation. Eh bien, la grâce n'efface pas les dommages et intérêts. On peut toujours poursuivre quelqu'un qui a été condamné au paiement des dommages et intérêts ou aux amendes auxquelles il a été condamné. Les prisonniers ayant purgé un quart de leur peine ne sont libérés comme prévu par la loi pénale. Maître Segatoua donne des exemples sur les catégories de condamnés qui bénéficient de la mesure de grâce, s'appuyant sur la mesure du début de 2019. On disait que ceux qui étaient atteints des maladies incurables, par exemple le cancer, le sida, ainsi de suite, pouvaient être libérés. Les femmes enceintes pouvaient être libérées. Les autres, on pouvait réduire les peines, mais il y a évidemment également d'autres qui ne peuvent pas être libérés. Les crimes internationaux ne doivent pas être visés par la mesure de grâce. Certaines infractions peuvent également être exclues, comme l'atteinte à la sûreté de l'État pour la mesure de cette année. On disait que ceux qui ont porté atteinte à la sûreté de l'État, extérieur ou intérieur, n'étaient pas concernés par les mesures de grâce. Et la loi dit que ceux qui ont commis les actes de génocide, les actes contre l'humanité, les actes de guerre, ne sont pas concernés par les mesures de grâce. Le ministère de la Justice est chargé de veiller au respect de la grâce présidentielle. Dans la prochaine chronique, nous parlerons de la mise en œuvre de cette mesure. Voilà, c'est la fin de ce journal à 13h17 au sud de la radio Isanganiro. Merci à tous les auditeurs. Merci à Riku Imana qui vient de faire relève de l'autre côté de la vitrine. À la présentation, vous étiez avec Évariste Ndzikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.